Laissez passer les démagos. Allons aux urnes tête baissée pour y jeter dans l'isoloir tous nos espoirs. Aux citoyens toujours en peine, aux politiques toujours en veine, les dés seront enfin jetés sans se soucier de l'avenir des petites gens, de leurs arrières petits-enfants, de leurs anciens le dégoûtés, de trop trimés, trop d'espoirs qui furent bafoués. Il faudrait tout s'avalier et une autre réalité, enfin créer trop d'espoirs qui furent bafoués. Il faudrait tout s'avalier et une autre réalité, enfin créer. Ah là là. Là là là là là là là. Micro ouvert. Trouvé sur le net. Le rassemblement a toujours existé. Au temps des colonies, vous imaginez bien que c'était encore plus ordinaire puisque c'était presque légal. C'est-à-dire l'inégalité était de fait, puisque une femme ne votait pas et un noir ne votait pas doublement. Alors, si c'était une femme noire, on faisait pratiquement, elle n'existait même pas dans la société française. Donc là, on peut même pas parler de racisme ordinaire. Il était extraordinairement ordinaire. Aujourd'hui, c'est plus inacceptable et plus visible parce qu'on a affaire à des citoyens qui ont le même statut dans ce pays et officiellement les mêmes droits. Donc c'est plus le droit qui les exclut, c'est les pratiques au quotidien. C'est pas trouver un appart, c'est prendre une petite phrase, c'est pas avoir le même salaire au boulot, c'est avoir du mal à être recruté. Ouais. C'est ce qui fait votre quotidien. Donc, vous pouvez pas vous plaindre de ne pas avoir le droit de vote, par exemple. Vous l'avez. Mais en même temps, dans la pratique de tous les jours, vous n'êtes pas un citoyen plein et entier. Alors, pour l'expliquer, justement, toi, tu dis qu'il est important d'aller chercher dans notre histoire de France les racines de ce racisme d'aujourd'hui. C'est très important pour commencer. Bah, nous sommes le fruit de ceux qui nous ont précédés, de notre culture. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça est le fruit de notre histoire. Par exemple, notre pays, les gens, des fois, l'oublient, a pratiqué l'esclavage, a connu la colonisation. On a à peine décolonisé il y a 60 ans, c'est-à-dire pour beaucoup ici, l'âge de nos parents, où nos grands-parents étaient en train de travailler, nos parents allaient à l'école et apprenaient, par exemple à l'école, page 54 d'un manuel scolaire, que la race blanche était amenée à diriger la terre. Tout ça vous fait une culture. Toi, tu as déjà vécu des scènes de racisme ordinaire? Des scènes, j'en vois tous les jours, vraiment tous les jours. Par exemple, anecdote, tous mes amis m'appellent la Noire. Enfin, je vis avec le « tu viens d'où ?» j'ai vécu avec le « tu parles bien pour une Noire ». C'est dans quel contexte qu'on te dit ça, « tu t'exprimes bien pour une Noire » ? Ça, on m'a dit ça... on m'a dit ça, je crois, c'était au lycée. Parce que, oui, je venais de dire que je n'étais pas née ici. Et on m'a dit que je m'exprimais bien. Et que, pour une Noire qui n'est pas née en France, oui, tu t'exprimes bien. Et ça, vraiment, je l'ai vraiment mal pris. Parce que, oui, et alors, je suis française. Je ne suis peut-être pas née ici, mais... En tout cas, j'ai mes papiers, je suis française. Je pense que je vais à l'école française, je peux bien m'exprimer comme les autres. Parce que je suis noire, ça va changer quoi que ce soit. Ah, le pire, t'es très fin pour une noire. Ah oui. T'es très belle pour une noire. Oui. Oh, t'es belle pour une noire, on l'entend souvent. Ça, c'est ça, ça. À chaque fois qu'on me le dit, je déteste ça. Je peux pas, ça me... Et tu réagis comment, justement? À ça, je dis, je rigole, je me la pète, je dis oui, c'est vrai. Je veux pas montrer que j'ai de la colère pour ça, parce que ça donnerait trop de, comment dire... L'importance? Trop d'importance à ce qu'ils disent, alors que... Finalement, tu vas répondre avec l'humour, c'est-à-dire que la personne qui a prononcé cette phrase va peut-être pas forcément se rendre compte que cette phrase t'a heurté, puisqu'il n'y a pas eu de sanction. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on parle plus beaucoup de racisme, enfin, pour notre génération. Ouais. Vraiment, nous... On en rigole plus qu'on en fait un débat. Enfin, on n'en fait pas du tout un débat. Là, tu sais nous dire que le racisme, c'est plus quelque chose de grave? Oui, c'est problématique. Hein. Je sais bien ce que je suis en train de dire, mais oui, à notre génération, c'est plus vraiment quelque chose de grave. Le racisme, c'est plus un truc drôle, un truc où on va s'amuser avec, on va rigoler avec, et pas. Est-ce que c'est pas parce qu'il s'est banalisé aussi cette parole-là? Peut-être. Amadou, quand tu entends Brett dire que être assez fataliste, finalement, sur ce qu'elle vit, ça t'inspire quoi? C'est inquiétant. Ouais. C'est flippant d'un côté. Elle a 18 ans, j'ai bien compris. Elle a 18 ans. Ouais. À 18 ans. Mais elle le vit mal, hein, quand même. Hein. Oui, oui, ouais. on sent ouais, à sa voix qu'elle le vit mal et que ça la prend, que ça la heurte, ça la blesse. Et pourtant, elle est fataliste, elle n'a pas envie de lutter. La différence que je peux noter, en tout cas, par rapport à la génération, c'est que moi, quand j'étais petit, c'était l'inverse. Ouais. C'était tout l'inverse, en fait, parce que le contexte aussi m'y aidait. J'étais, là, je parle, par exemple, quand j'étais vraiment petit, on va dire en primaire, collège, à peu près. On avait, nous, enfin, les gamins de mon âge, l'immigration, on se disait que le racisme, ça allait disparaître. On était persuadés de ça, en fait. On était persuadés que plus tard, bah, ça va s'arranger, ouais, parce que la société était faite, allait progresser, il y avait des associations aussi. Il y a des associations, en fait. On avait des messages comme ça, subliminaux, qui venaient, qui rentraient dans nos têtes et qui nous faisaient dire que le racisme, c'est mal. Eh ben, ça va être puni, ça va être fini, parce que les gens vont évoluer. Et on était persuadés qu'aussi nos camarades, en fait, étaient aussi comme, en fait, on était un peu tous pareils. Donc, on avait cette sensation que, comme la société avançait, ça allait forcément disparaître. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde aujourd'hui, surtout via les médias, via les télévisions, etc., les radios, les politiques, des fois même des gens qu'on a admirés, que ça peut être même des artistes, des sportifs, sortir des phrases qu'on pensait plus entendre un jour, et ben en fait, ça donne ce résultat-là. Allez, go. D'abord, je vous remercie de me recevoir chez vous, à l'heure. Et donc, j'ai affaire ici à Mireille. J'ai aussi Robert. C'est un sacré nom, ça, hein? Oui, tout à fait. C'est un mélange. Oui, en fait, Tchéoussi est un autre prénom qui veut dire noir. Ma mère apparemment est très fière d'être noire de peau. Et donc, elle a voulu m'appeler comme ça, c'est en swahili. Mireille, parce que quand j'étais petite au Congo, mes parents, donc mon beau-père est blanc, m'a inscrit dans une école belge au Congo. Et que c'était une école de sœurs. Et elle ne voulait pas que je m'appelle Tchéoussi, parce qu'elle ne s'y retrouvait pas, ce n'était pas chrétien, ce n'était pas en français. Et donc, elles m'ont baptisée, entre guillemets, Mireille. Donc, pour faciliter la tâche, hein, je suis un peu gentille à mes amis belges, j'ai gardé le nom composé Mireille Tchéoussi. Et Robert vient donc du beau-père. De ton beau-père? Oui, oui. Du beau-père, ça fait. De ton beau-père. De mon beau-père. Bon, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce terme, j'ai toujours dit mon père, mais bon, pour que tout le monde comprenne. Et ton père, alors, comment ça se fait que tu n'as pas le nom de ton papa? Inconnu au bataillon. Tu ne le connais pas? Je ne le connais pas. D'accord. Oui. Eh bien, enchantée, Mireille. Hein. Et bah, ça commence tout de suite avec un nom pareil, c'est sûr qu'on se pose plein de questions, hein, voilà. Et en fait, moi, je fais le lien avec Olivier Moukouna. Pourquoi on se rencontre? Ben, c'est Olivier Moukouna qui a écrit un papier sur la négrophobie. Et puis aussi donc sur cette histoire qui a eu lieu ici en Belgique. Peut-être tu peux mieux la raconter, mais cette histoire avec un jeune garçon qui rentre dans un... Moi, c'est comme ça que je l'entends, dans un bus. Et tu peux expliquer l'histoire? De commencer comme ça, en fait. Une histoire quand même qui est quand même choquante, quoi. Oui, je pense que c'est très important de raconter l'histoire parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Alors, et surtout, on a entendu parler de Théo en France par des médias belges, alors que ce qui se passait en Belgique n'était pas rapporté, bien que l'histoire de Théo et des autres reste révoltante. Alors, il faut se remettre dans le contexte. Nighty Nelson, c'est un jeune de 16 ans qui est d'origine africaine, donc qui a la peau brune. Oui. Je te coupe tout de suite parce qu'en fait, ça me revient. Mais moi, j'ai fait récemment un agenda culturel sur les violences policières et je n'ai absolument, tellement ça n'a pas... Pourtant, je le sais, tu vois, ça n'a pas été du tout médiatisé, cette histoire. Et pourtant, elle est hyper choquante. Donc, on a plutôt parlé de l'affaire Théo, mais pas ici en Belgique, alors qu'il y avait une histoire énorme aussi ici que tu vas raconter. Oui, oui, c'est tout à fait récurrent. Hein. J'ai plusieurs exemples comme ça où on parle plutôt de ce qui se passe en France plutôt que de ce qui se passe ici. Alors, il est 21h, ce jeune de 16 ans est en retard parce qu'il doit rentrer à l'heure. Et il s'empresse d'entrer dans le bus, il n'a pas de sous sur lui. Il demande à un ami de lui payer par application smartphone. La STIB permet de le faire. le bus de Laigne, pardon, permet de le faire, son billet. Il rentre, il montre son GSM et le chauffeur ne le croit pas. Il dit non, c'est un faux, tu as menti, etc. Il dit, écoutez, si c'est un faux, appelez les contrôleurs. Moi, je ne peux pas rater ce bus, ma mère est en train de m'envoyer des SMS. Soit je rentre, soit elle va s'énerver. Il monte en défiant donc, mais poliment, le chauffeur, et il va s'installer. Le chauffeur appelle les contrôleurs disent « Continue à rouler, nous allons te choper à un moment donné ». Sauf qu'il arrive à son arrêt avant que les contrôleurs n'arrivent. Il commence à descendre et les portes du bus se referment sur lui. Bon, c'est assez violent, il se recule pour ne pas être blessé ou quoi que ce soit, et il va vers le chauffeur tout à fait normalement en disant « Mais il faut absolument que je descende, je viens encore de recevoir un SMS de ma mère ». Et il n'a pas le temps de terminer ses mots que le chauffeur sort de sa cabine et le poignarde. Mais ça, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tu connais personnellement cette personne ou bien ce jeune garçon? Oui, je le connais maintenant, depuis l'histoire. Et donc, il le poignarde une première fois. C'est ça qui est intéressant. Le jeune se recule, ne comprend pas qu'il a été blessé dans un premier temps. Il a juste vu un couteau, il s'est reculé. Et heureusement qu'il s'est reculé, sinon c'était le cœur qui était pris et il ne survivait pas. Et le chauffeur essaye une seconde fois. Donc jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi le chauffeur est passé de « on va attendre les contrôleurs, à je te poignarde ». On ne sait pas ce qui s'est passé parce que le jeune ne l'a pas menacé, il ne lui a pas crié dessus, rien du tout. Mais en faisant une deuxième tentative pour le poignarder, le jeune se défend et lui donne un coup de poing à l'œil. Bon. Et s'enfuit. Je ne sais pas par quel miracle les portes sont ouvertes, il s'enfuit. Le chauffeur prend son couteau, sort du bus et le poursuit dans la rue. Un enfant de 16 ans avec son couteau. Les voisins, les passants sortent leur nez de la fenêtre en disant « Mais appelez la police, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils arrivent à un espèce de cul-de-sac. Le chauffeur se rend compte que le jeune homme est blessé. Le jeune homme soulève sa blouse. Et donc là-dessus, il fait marche arrière et retourne rapidement dans son bus. Le jeune dit « Non, non, non, ça va pas. Tu m'as poignardé, tu vas pas t'en tirer comme ça. » Et il le suit dans le bus. Et quand il arrive dans le bus, il ne l'agresse pas. Il bloque les portes du bus pour pas qu'il puisse démarrer et il envoie un SMS à sa mère. Là, on parle bien du jeune, hein, parce que des fois, on ne sait plus si c'est le jeune ou le chauffeur. Donc, le jeune, Nighty, bloque les portes du bus et envoie un SMS à sa maman en disant « Viens vite, le chauffeur m'a pointé ». La maman, évidemment, ne le croit pas. Elle pense que c'est un gros mensonge pour rallonger l'heure du couvre-feu. Mais elle s'inquiète et prend quand même la route. Entre-temps, le chauffeur sort une trousse pour se soigner son œil qui a été touché, mais pas pour soigner le jeune poignardé. Je vous passe les détails. La police arrive. Et quand la police arrive, il fouille Nighty qui reste dehors dans le froid. Et le chauffeur est protégé dans le bus. Nighty explique bien qu'il n'est pas, qu'il n'a rien fait. On lui dit « Tu es sûr que le chauffeur avait un couteau? Qu'est-ce que tu racontes ?» Il dit « Mais vérifiez, enfin !» Il vérifie, effectivement, le chauffeur, après avoir menti plusieurs fois, reconnaît qu'il avait un couteau sur lui. C'est pourquoi ? Oh, c'est pour couper des pommes. Ok. Les policiers appellent l'ambulance. L'ambulance est en route. Et le jeune dit non, non, non, non, il faut renvoyer l'ambulance parce que je ne sais pas si maman a assez d'argent pour payer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils renvoient l'ambulance. Évidemment, quand la maman arrive, elle dit mais c'est complètement irresponsable. Un jeune de 16 ans sous le choc, il va pas. C'est pas lui qui décide de renvoyer ou d'appeler. Donc elle appelle une ambulance elle-même. Après tout ça, elle essaye de porter plainte le soir même au commissariat de police. On lui refuse la plainte en disant « oui, mais on va vous contacter, rentrez chez vous ». Le lendemain, elle appelle son avocat, elle lui explique la situation. L'avocat dit « tu peux aller porter plainte partout en Belgique ». Elle va porter plainte à XL. XL refuse aussi. Et c'est là qu'elle fait appel à nous, un peu fâchée, en disant « Mais où sont les associations ?» C'est qui vous, alors ? Une association qui s'appelle BAMCO ASBL et qui travaille à la revalorisation des personnes d'origine africaine en Belgique, mais pas que d'origine africaine. Et donc, on l'accompagne au commissariat de police et on nous sort mille et une raisons pour ne pas prendre sa plainte. Par exemple ? Par exemple, il faut que l'avocat soit présent. L'avocat dit non, je n'ai pas besoin d'être présent pour faire une simple plainte. Ensuite, il faut que Naïti soit présent. Naïti est mineur, sa mère a le droit de porter plainte. Malgré tout, on fait venir Naïti. Au plus haut niveau, on nous a dit que c'était une affaire sensible, donc vous allez devoir attendre un petit peu, peut-être revenez demain ou après-demain. Bref, on nous faisait tourner en bourrique. Donc on insiste jusqu'à 2h du matin. Finalement, on n'a pas gain de cause et on rentre chez nous. Mais quoi, là, on est, j'imagine, le lendemain de cette histoire ? Là, on est le lendemain de cette histoire. Ensuite, le surlendemain, excusez-moi. Le surlendemain. Ensuite, puisque c'est un droit démocratique qu'on lui refuse sans aucune raison valable, je vais avec des amis, je n'étais pas toute seule, avec des autres associations comme CNJSBL, Vie Nouvelle, donc on appelle à la manifestation, et il y a environ 200-250 personnes selon la police qui arrivent devant le commissariat de police d'Ixelles. Et c'est quoi ces autres associations qui se regroupent avec toi ? Alors c'est aussi la défense des gens ? Oui, mais il y a aussi des associations culturelles, il y a surtout des personnalités comme des artistes, comme Monique Poba qui est venue aussi, qui est une réalisatrice de films qui bourlingue déjà depuis quelques années, Monique Mbeka-Foba. Et il y en a eu d'autres hein, qui sont venus, il y a eu de toutes les couleurs là pour le coup, il y en a qui venaient d'associations connues mais qui sont venues sous casquette personnelle aussi. Donc ils sont venus vous soutenir en avant tous pour que cette maman puisse déposer finalement simplement, oui. En même temps une chose énorme, hein, oui. Mais déposer plainte quoi. Simplement déposer plainte. Et donc la manifestation a quand même duré 4 ou 5 heures avant qu'à l'intérieur du commissariat de police on puisse obtenir gain de cause. Donc il y avait les manifestants dehors, moi à l'intérieur avec la famille, en train d'insister, de faire pression. Et quand ça n'allait pas, ben, les manifestants forcément s'énervaient et criaient encore plus fort. Et à un moment donné, bon, les policiers ont finalement accepté de prendre cette plainte. C'était un bras de fer incroyable. Je suis sortie lessivée de cette affaire. Et après avoir pris cette plainte, comme par hasard, la maman est convoquée le lendemain ou le surlendemain aussi au commissariat de police de Grimbergen, là où les faits se sont passés, pour aller aussi porter plainte. Et donc, le jeune est passé de suspect à victime d'agression et de tentative de meurtre. Si on n'avait pas manifesté, je ne sais pas comment les choses seraient terminées pour lui. J'ai bien sûr appelé les médias traditionnels pour leur dire, ben voilà, il y a une histoire là qu'il faudrait raconter. Mais à part l'article, le bouton rouge, comme on appelle ça, de la dernière heure, pour signaler quelque chose que la maman a fait le lendemain des faits. Et donc, la dernière heure a fait un article là-dessus. À part ça, les médias traditionnels n'ont pas voulu relayer cette histoire. Et pourquoi ? Je me le demande. Vraiment, je me le demande. Je ne comprends pas. Et même chose, sur le plan politique, il y a eu très peu de réactions. Moi, j'ai lu quelques réactions, je me souviens de trois personnes comme ça, hein. Je n'ai pas vu les autres. Je dis ce que j'ai vu. J'ai vu Zoé Genot qui a réagi. J'ai vu Sarah Turin, de la jeunesse, je pense à Molenbeek. J'ai vu Bernard De Vos. Tous les trois ont réagi sur le net. Aucun des politiques au pouvoir a été dans une télévision mainstream pour dire « maintenant ça suffit, il y a un problème ». Non, personne. Donc je me demande qu'est-ce qu'il faut. Alors on est un peu embêté parce qu'il y a quelques années, on a eu Dieu merci Kanda, qui est quand même décédé dans un commissariat de police. Et on nous parle de suicide et jusqu'aujourd'hui, sa famille dit « non, il n'était pas suicidaire, qu'est-ce que vous lui avez fait dans ce commissariat ?» Tu peux rappeler vite les grosses lignes de cette histoire, moi je ne suis pas au courant. Mais écoutez, on est tous très peu au courant, puisque évidemment les médias ne relayent pas, et à moins de connaître bien les familles, on n'est pas très bien au courant. Donc moi, je suis pas super proche de la famille non plus. Mais ce que je sais, c'est que il est allé au commissariat pour signaler quelque chose ou porter plainte, enfin un acte tout à fait classique qu'on fait dans un commissariat de police. Il a été retenu et il n'est jamais ressorti vivant. C'est quel âge? Jeune aussi? Non, c'était un monsieur qui devait avoir environ une quarantaine d'années, d'après les photos. Donc, c'est dommage que ces histoires-là ne sont pas relayées. Du coup, il y a des choses qu'on sait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a combien de temps de ça, alors? Alors ça, c'était, je pense, en 2011, si mes souvenirs sont bons, si pas un peu plus tard. Voilà, et ça s'oublie, hein, puisqu'on ne sait pas. Il y a aussi un jeune homme qui a eu des démêlés avec un... Et là, pour le coup, oui, c'est un jeune, avec un chauffeur de bus de l'Aisne, encore. Et il a eu 11 mois de coma, un jeune d'origine africaine, 11 mois de coma. Et quand il est sorti après ces 11 mois, il lui a fallu du temps pour réapprendre à marcher. On en est là, et on n'en parle pas, on ne peut pas en parler. Je ne comprends pas. Mais j'entends l'histoire du coma, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? Parce que c'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus parce que ce que je sais, c'est parce que j'ai eu un cousin éloigné du jeune homme qui me l'a raconté. Donc lui, il savait. Mais c'est tout ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas pu investiguer plus. Et voilà, j'aimerais que des journalistes, dont c'est le travail, surtout les médias mainstream, puissent investiguer sur ces et relayer ce genre d'affaires. On comprend pas pourquoi est-ce que ça serait plus choquant quand ça se passe en France que quand ça se passe ici. Pourquoi c'est plus choquant? Mais je crois pas que c'est ça la question. Je crois pas que c'est ça le problème. C'est pas que ce soit la France ou c'est que ici c'est comme si on n'avait pas envie de regarder les choses, quoi. Moi, je crois pas que ça. En France, je pense que il y a plein d'histoires récurrentes comme l'affaire Théo, mais on n'en parle pas non plus, tu sais. Seulement l'affaire Théo, là, ils ont osé. Tu vois, ça a tellement été énorme que là, il fallait en parler. Mais il y a plein d'histoires où on n'entend pas non plus. Il y a plein d'histoires où les jeunes noirs, je sais que t'aimes pas que je dise noir, mais où se font aussi maltraiter régulièrement. Et quelque part, ils l'acceptent, tu vois. Ils jouent le rôle un peu de soumis là-dedans. Et puis pour l'affaire Théo, il y a vraiment quelque chose qui s'est réveillé, quoi. Allez, il faut pas laisser passer ça, tu vois. Oui, j'aimerais que les médias belges se disent aussi, dans le cas d'un homme qui meurt dans un commissariat, qu'ils ne peuvent pas laisser passer ça. Et j'attends avec impatience ce moment. Alors là, on parle de faits extrêmement graves. On peut parler de thématiques légèrement plus légères, même si elles ne le sont pas tant que ça. Miss Belgique, qui tient des propos douteux, qui publie des étrons sur Internet, etc. On l'invite plusieurs fois sur des plateaux télé, mais sur ces plateaux télé-là, on n'invite pas les afro-descendants pour qu'ils puissent dire en quoi ils estiment que son comportement est raciste ou non. Alors explique pour les gens qui ne savent pas. Moi, je me suis même pas intéressée à cette histoire. Je trouve que c'était trop fun, trop médiatisé comme ça, avec cette histoire de... Comment encore? De jeune fille Oui, tout simplement, c'est Miss Belgique. Voilà, Miss Belgique. C'est quoi l'histoire, alors? Écoutez, avant qu'elle ne soit Miss Belgique, il y a un de ses contacts sur, je ne sais plus quel média, Instagram ou Twitter, je ne sais pas. Elle publie une photo et d'elle dans un bus. Et dans l'arrière-plan, on voit, mais on le voit très bien, un afro-descendant très noir de peau. En arrière-plan, alors. En arrière-plan. Et qui est juste là. Donc, il est dans le bus. Mais il sort dans la photo. Elle publie sa photo. L'un de ses contacts lui écrit quelque chose comme « dat nega ». Et puis, il met une espèce de crotte. Des étrons, donc. C'est un sigle. Et elle répond « Yes, I know ». Oui, je sais. Alors, on se dit bah, « Qu'est-ce qu'il y a de raciste là-dedans » Le problème, c'est que ça fait des siècles que notre couleur de peau est assimilée à du caca, pour le dire platement. Et donc, quand on fait certaines associations, on réveille et on rappelle des siècles d'humiliation. Et donc, on ne peut pas le faire avec légèreté sans s'excuser. Donc, elle prétend être Miss Belgique, donc même si moi je ne suis pas trop pour ces genres de concours, mais elle représente pour certaines, et pour une jeunesse aussi qui suit ce genre de choses, elle représente la Belgique, elle ne peut pas se permettre d'humilier et d'assimiler toute une composante de la population à la couleur de la merde. C'est pas possible. Et donc, au lieu de s'excuser, elle enfonce le clou en disant « Oui, mais je n'ai rien contre les Noirs. Mon père a fait travail en Afrique. On a des amis noirs, en gros, ce qu'elle dit. Ce qui est une justification classique, en fait, du raciste moyen. » Donc, c'est pas une affaire hyper importante. Non, pas du tout. Mais c'est une affaire qui permet à ceux qui ne comprennent pas qu'on peut se sentir lésé, de révéler que le racisme est latent et qu'il existe encore et qu'il peut se traduire par des actes plus forts. Cette femme, si un jour elle devient chef d'entreprise, je ne sais pas si elle va engager des gens qui ont des couleurs de la merde, puisque c'est comme ça qu'elle les considère. Voyez, donc c'est pas le fait, ce qui s'est passé en soi qui est grave, mais c'est ce que ça révèle du racisme, est-ce que ça révèle aussi des élites. Là, c'est une élite médiatique, qu'on le veuille ou pas. Mais j'ai pas compris ton histoire. Je la comprends pas. C'est incompréhensible. Non, mais je comprends pas. C'est quoi? C'est Miss Belgique qui se fait photographier avec quelqu'un en arrière-fond qui est de couleur de peau. Mmh. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cette histoire de caca ou... Elle poste la photo sur un réseau social et ses contacts, ses amis, lui disent « Ce nègre, caca. Ce nègre égale caca. » En arrière-fond, ce type qu'elle ne connaît même pas derrière, quoi. Voilà. Et ses contacts à elle lui disent « Ce nègre égale caca. Dat nega caca. Okay, » okay. Elle, au lieu de dire bah « Non, ce n'est pas très sympa ouais. », elle dit « Oui, je sais. » Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est des sous-entendus. Et comme c'est une affaire qui a été très médiatisée, ouais. J'en ai profité pour faire une carte blanche dans l'un des médias mainstream, je ne sais plus si c'était La Libre ou Le Soir, pour expliquer en quoi c'est révélateur d'un racisme latent en Belgique. Parce que les gens ne comprenaient pas. Donc pas que je dise que c'est une affaire du siècle, que c'est grave, non, j'ai juste profité de cet exemple pour leur montrer comment notre racisme belge peut se manifester dans plein de cas de figure, et là, dans quelque chose qui n'a rien à voir de sociologique ou quoi que ce soit, c'est juste une Miss Belgique. Mais pour reprendre cette histoire, parce qu'après on pourrait en raconter plein, je veux dire, tu as raconté l'histoire de Nelson, ce jeune garçon de 16 ans, j'imagine, est-ce que tu as pu rencontrer sa famille, est-ce que tu l'as pu rencontrer lui, pour connaître un peu les détails de toute cette histoire? Tout ce que je sais, je le tiens de la famille, de la maman et du jeune que j'ai rencontré, qui m'ont longuement remercié parce que, c'est pas pour m'enorgueillir, mais ce remerciement disait ensuite ceci, c'est qu'on ne se rendait pas compte, surtout le jeune, hein, il ne se rendait pas compte du fait que ce qu'il avait subi était quelque chose de récurrent en Belgique, parce qu'il n'est pas informé là-dessus. Et donc au départ, il avait honte. Il avait honte de ce qui lui était arrivé. Il avait honte d'avoir reçu un coup de couteau. Oui, il avait dit oui, mais tout le monde va mettre en doute. Là, j'interprète sa virilité. Tout le monde va dire que je suis une mauviette, etc. Je ne veux pas qu'on en parle, etc. Et puis, quand sa mère a commencé à lui expliquer que pour elle, c'était constituant de racisme, parce que pour elle, le chauffeur a eu peur d'un noir qui venait vers lui. Il a eu peur, il a cru qu'il allait se faire agresser. Bref, par réflexe, il l'a poignardé sans autre procès. Et donc, du coup, il a vu cette mobilisation. Il a écouté les arguments de sa mère et les miens. Et il s'est dit, je me rends compte, en fait, de ce qui vient de m'arriver. Et il se rend compte qu'il n'a pas à en avoir honte, que c'est lui la victime. Donc, vous voyez comment cette histoire a fini par le faire penser que lui, il était victime. J'ai plusieurs dossiers. Une jeune fille qui se fait agresser au centre-ville, on lui fait une clé de bras avec des insultes racistes, et son entourage lui dit « Mais vous êtes susceptible, vous les Noirs, mais non, on ne va pas porter plainte, n'exagère pas, etc. etc. » Et voilà, ça c'est des comportements inacceptables, donc il y a un double travail. Un travail de sensibilisation auprès, on dit aujourd'hui des belgo-belges, on ne sait pas quel terme utiliser, et puis un autre travail auprès des afro-descendants eux-mêmes pour leur dire, écoutez, vous n'êtes pas obligés d'accepter. Et puis pour leur faire comprendre que certains actes sont racistes ils le savent pas toujours, ou ils veulent pas le savoir parce que ils ont peur de se représenter comme victime parce que c'est pas valorisant du tout. Donc on préfère avaler, on préfère ne rien dire. Et faites le test quand vous demandez à un afrodescendant bruxellois, par exemple, lambda, est-ce que tu as déjà vécu du racisme dans ta vie? En général, il commence par dire non, pas vraiment. Écoutez, pas tellement de racisme en Belgique, etc. Et au fur et à mesure de la conversation, il va vous sortir des tonnes et des tonnes d'exemples qui ont jalonné sa vie où il en a été victime. Donc, je pense que c'est important. C'est d'autant plus important qu'il y a des institutions mainstream qui décide qu'un fait est raciste ou pas parce que les racisés, les afrodescendants eux-mêmes n'ont pas réagi. Ils disent « Oh ben, il n'y a pas eu de réaction des associations africaines, il n'y a pas eu de… »« Oh ben alors, c'est pas du racisme. » Donc, c'est un double travail que nous avons. Mais qu'est-ce que le racisme, ta définition à toi, Mireille? C'est Mireille? Oui. Je ne sais pas si il y a tellement eu de définitions du racisme. Moi, je pense que c'est un mépris, un manque de respect, à minima. À minima, c'est cela. Et que c'est à partir du... Les préjugés ne suffisent pas, en fait, à cataloguer un acte ou des propos de racisme. Je pense qu'à partir du moment où ces préjugés induisent une hiérarchisation et une essentialisation des gens, là, une essentialisation. Une essentialisation, ça veut dire le préjugé, c'est les noirs sentent mauvais. L'essentialisation, c'est tous les noirs sentent mauvais. Sentir mauvais, c'est moins bien que nous qui sentons bon. Je prends un exemple bateau. Hein. Et donc, à partir de là, on a du racisme parce que c'est essentialisé, hiérarchisé à partir de préjugés. Mais quelqu'un qui a des préjugés, mais qui ne hiérarchise pas, et qui n'essentialise pas, il faut juste un peu d'éducation. Là, c'est très, excuse-moi, mais là, c'est très intello. Hein, parce que pour moi, par exemple, le racisme, si je dois le définir, c'est regarder l'autre pas à égalité, quoi, le regarder comme s'il est moins, il est inférieur à soi, quoi. Mm-hmm. C'est déjà ça. Oui. C'est déjà ça. Une idée première, quoi, c'est de regarder, je veux dire, Nelson, quand il rentre dans le bus. Après, ce serait intéressant d'entendre aussi cette parole de chauffeur, je veux dire, mais c'est quoi cette idée de même de régler un problème avec et les gens, avec un couteau, il faut que je finisse ma phrase, oui. Avec un couteau, et puis les gens autour, comment est-ce qu'ils ont réagi, quoi, enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit Donc, c'est déjà s'imaginer que ce gamin de 16 ans... Enfin, c'est dingue de faire ça, non? Il y avait deux personnes dans le bus, ils étaient tétanisés, ils n'ont pas osé bouger. C'est ce qu'on m'a rapporté. Mais c'est des témoins. Oui, c'est des témoins. Je pense qu'ils ont témoigné, mais je ne sais pas, maintenant, l'affaire judiciaire, cette partie-là, je n'ai pas tous les détails, puisque je ne m'en charge pas, il y a un avocat sur le coup. Maintenant, dès qu'il est rentré dans le bus, ce jeune a été reçu avec dédain et mépris. Donc ça a commencé là. Et quand vous parliez d'infériorisation, quand je dis hiérarchiser, c'est ça que ça veut dire. C'est un au-dessus, l'autre en dessous. Et donc, dès qu'il y a ce mépris au départ, eh bien, ce jeune est déjà infériorisé. Donc, je suis chauffeur de bus, toi, tu n'es rien. Et puis, il y a la dialectique blanc-noir qui joue aussi à ce moment-là. Et donc, du coup, dès ce moment-là, le chauffeur a fait preuve d'un racisme latent qu'il avait, qu'il a exprimé un peu plus fort plus tard. Maintenant, je ne peux pas dérouler tous les détails de l'affaire, mais j'ai raconté les faits qu'on me les a racontés, mais il y a aussi des mots qui se sont échangés. Et là, évidemment, le jugement nous donnera les détails. Le bus de Laigne dit qu'il n'y avait pas de couteau dans le bus. Ça, c'est quand même intéressant de le savoir, dans un média qu'il dit ça. Alors que la maman m'a dit que le chauffeur était aux aveux. Donc, c'est un peu contradictoire. On attend du bus de Laigne un peu plus de responsabilité et surtout qu'il se positionne par rapport à cette histoire. Donc, dans un premier temps, il reconnaît qu'il a un couteau et puis dans un second temps, il ne reconnaît plus qu'il a ce couteau, c'est ça? Oui, dans un premier temps, il dit qu'il n'a pas le couteau le jour même quand les policiers sont là, mais 10 minutes après, il avoue qu'il a un couteau. Okay. Les bus de Laigne, quelques jours plus tard, font un article dans lequel ils disent qu'il n'y avait pas de couteau dans le bus. Mais quelques jours plus tard encore, le chauffeur est aux aveux devant les policiers et il réavoue qu'il avait un couteau, il avoue tout. Mais ce serait intéressant d'avoir la suite de cette histoire, mais je reprendrai. Quand est-ce que tu crois qu'on aura des nouvelles par rapport à cette histoire, la responsabilité de chauffeur, quand Nelson, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, ce serait intéressant de voir la suite. Oui, on espère pouvoir, pour ne pas court-circuiter non plus l'avocat, on attend un petit peu certaines démarches et puis on va publier plus d'informations sur la suite de cette affaire. Mais mon intervention sur cette affaire était courte et précise, j'ai envie de dire. Je n'ai pas vocation à faire le suivi total de l'affaire. Je voulais juste que ce jeune afro-belge puisse exercer son droit démocratique, c'est-à-dire de porter plainte. En cela, on a eu gain de cause. Malheur à moi, je suis convoquée à la police. À mon avis, la police n'a pas beaucoup aimé ce bras de fer qui a été gagné par les manifestants. Et donc, je suis convoquée, je dois m'exprimer par rapport à un soi-disant outrage sur la voie publique. Quoi, le fait de manifester, ça s'appelle outrage, c'est ça? Je ne sais pas. Et c'est quand que tu dois exposer ton histoire? C'était aujourd'hui, à cette heure-ci. J'ai préféré vous voir et j'ai pu reporter. Donc, je vais le faire le 5 au matin. Donc, j'irai avec mon avocat. Je vous avoue que j'ai un petit peu les mains moites parce que c'est exactement le même commissariat où, Dieu merci, Kanda n'est pas sorti vivant. Donc, j'ai envoyé des mails à mes amis en leur disant « je ne suis pas suicidaire ». Même à mon patron, il a reçu un mail. « Je ne suis pas suicidaire. S'il m'arrive quelque chose, sachez qu'on m'aura fait du mal ». Donc, non pas que toute la police soit violente, je ne jette pas le pauvre sur la police, hein, mais objectivement, compte tenu de certains faits, je préfère rester prudente. Je suis militante, mais je ne suis pas kamikaze. De toute façon, tu es dans ton droit, Mireille. Hein, je veux dire, t'as absolument rien fait. Je veux dire, vous avez fait une manifestation, c'était tout à fait normal. Enfin, fais-toi bien entourée, ne vous laissez pas faire, quoi. Il n'y a pas... Oui. C'est-à-dire que Kanda non plus était aussi dans son droit. C'est juste que ben, ça s'est mal passé. Oui, je me fais entourer. Mais Mireille, j'avais envie aussi un peu de parler de toi. Donc Mireille Tsosi Robert, sacré nom, quoi. Tu as écrit ici, j'ai dans les mains, qui s'appelle « Racisme anti-noir, entre méconnaissance et mépris ». Est-ce que tu pourrais un petit peu me dire qui tu es, toi, là, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie et pourquoi avoir écrit... Il y en a un autre, tu as aussi écrit un bouquin avec Olivier Moukouna qui s'appelle... Créé en post-colonie sous la direction de Sarah Demar et J.A. Brassard. Et effectivement, Olivier Moukouna a aussi écrit quelque chose là-dedans. Bon, on l'a fait avec Africalia et le Beaux-Arts notamment. L'autre livre, Racisme anti-noir, je l'ai fait dans le cadre de mon travail à BIPAX. Donc anciennement Pax Christi, Wallonie-Bruxelles. Ce qui m'intéresse dans la vie, bon, sur ces thématiques-ci, j'ai plusieurs sous-thématiques. Je me suis d'abord attaquée à Zwarte Piet. Encore une fois, ce n'est pas la thématique la plus importante, mais je pense que c'est des thématiques qui permettent d'illustrer certaines choses. Donc j'ai fait une recherche avec environ une septantaine d'enfants de 3 à 9 ans. En deux temps, je les ai d'abord mis, c'est des enfants noirs et métis, afrodescendants et métis, je les ai d'abord mis devant une poupée noire et une poupée blanche, et je leur ai demandé, je leur ai posé des questions que Clarks et Clarks, en 1947, ont posées à des enfants afro-américains aux États-Unis. Quelle est la poupée la plus gentille? Est-ce qu'il y a une poupée plus gentille que l'autre? Est-ce qu'il y a une poupée plus gentille que l'autre, etc. Et je me suis rendu compte que une septantaine de pourcents des enfants préféraient jouer avec la poupée dite blanche, ah oui, qu'ils la trouvaient plus gentille, voilà. Ça, c'est des études qui ont déjà été faites, moi-même, sans avoir fait l'étude, je peux déjà te dire ce qu'il en ressort, puisqu'on est dans une société où c'est le blanc qui domine. Hein. Oui, exactement. Mais le problème, c'est que quand j'utilisais ça comme argumentaire dans mon discours, dans le milieu mainstream, surtout, on ne me prenait pas au sérieux. Parce que ici en Belgique ? Oui, ici en Belgique, parce que cette étude n'a jamais apparemment été faite en Belgique. Donc il fallait bien que quelqu'un la fasse, bien que n'étant pas chercheur, je n'ai qu'un master en sciences de l'éducation, mais c'est l'éducation et c'est mon domaine. Et donc, J'ai donc ce document, ça c'était la première partie. Et en deuxième partie, j'ai demandé aux enfants des questions par rapport à Zwarte Piet. On dit souvent que Zwarte Piet, père Fouettard, est un belgo-belge ou un blanc qui est passé par la cheminée. Et donc le noir qu'il a sur lui, c'est la suie de la cheminée. Et moi, je trouve que ça n'expliquait pas pourquoi il a les lèvres grossies, rougies, pourquoi il a parfois une boucle d'oreille, pourquoi il a les cheveux qui frisent, pourquoi est-ce qu'il fait le guignol. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas expliquées. Et donc, j'ai voulu savoir si les enfants avaient compris que c'était pas un afrodescendant, mais un eurodescendant belge, pour le coup, qui serait passé par la cheminée. Eh bien, figurez-vous que la grande majorité des enfants pensent que Zwarte Piet est un afrodescendant, un noir comme leur papa. Alors, quand on leur demande qui est ce monsieur, Zwarte Piet, eh bien, c'est le subalterne de Saint-Nicolas. C'est Saint-Nicolas le chef, et lui, il est son domestique, en quelque sorte, qui offre les cadeaux qui appartiennent à Saint-Nicolas, qui ne lui appartiennent pas. Parfois, il est méchant, et parfois, il fait le clown. Et donc, les jeunes apprennent dans un culte, parce que c'est quand même Saint-Nicolas, donc c'est un culte, qu'on fait chaque année, apprennent le rôle du blanc et le rôle du noir dans la société. Donc on apprend aux enfants à être racistes chaque année aux alentours du mois de décembre. Et donc je pense que c'est assez révoltant. Et quand il y a des gens qui nous disent « oui mais non, c'est nos traditions », moi je suis désolée, le premier père Fouettard qui a existé dans toute l'histoire de Saint-Nicolas, c'était un blanc hollandais, un page. Il n'était pas noir à cette époque-là. Il s'est transformé avec l'actualité de l'esclavage et puis l'actualité de la colonisation. Donc, c'est clairement, il y a clairement des accointances avec une histoire raciste et raciale. Donc, on ne peut pas me dire que c'est notre tradition et qu'on ne peut pas changer nos traditions puisqu'elles ont déjà été travesties et changées. Donc, j'ai fait cette étude sur les enfants afrodescendants et les enfants métis, mais je vais bientôt le faire, la même étude avec des enfants belgo-belges, et je suis quasi certaine, enfin, je pense que on apprend à ces enfants-là à être racistes aussi. Et ça, c'est dommage. Et donc, le rapport de cette recherche se trouve dans ce fameux livre « Créé en post-colonie » qu'on peut retrouver, qu'on peut acheter aux Beaux-Arts ou sur le site de Café Congo de J.A. Brassard. Alors, ça a des conséquences, tout ça. Ça a des conséquences sur les enfants afrodescendants eux-mêmes, sur les familles. On peut parler de défrisage des cheveux. Hein, avec des produits cancérigènes. On peut parler du blanchiment de la peau aussi, avec des produits parfois interdits et cancérigènes. Les produits qu'on trouve à Zaventem, illicites dans les produits cosmétiques, ce qu'on trouve le plus, ce sont les produits éclaircissants pour la peau. Donc c'est pour vous dire le marché énorme que nous donne le racisme. Hein. C'est quand même. Alors il y a des personnes à un état avancé qui peuvent pas sortir au soleil. L'été est un enfer pour eux parce qu'ils ont tellement décapé leur peau pour essayer de la faire éclaircir et de devenir le plus blanc possible que la peau est détériorée. Ouais, elle est devenue hyper fragile quoi. Elle est devenue très fragile. Donc on se rend pas compte que ces produits, il y a du plomb dedans, ça rentre dans les veines, ça me donne des troubles cardiovasculaires. Et puis, je pourrais continuer comme ça pendant des heures sur les conséquences du racisme. Actuellement, chez BIPAX, je fais un travail sur... Dis-nous BIPAX. BIPAX, c'est une association d'éducation permanente qui publie énormément d'études sur les questions justement de racisme et de cohésion sociale. Et je suis engagée là, je travaille sur l'investissement, l'entrepreneuriat plutôt des jeunes afrodescendants. Et je me rends compte que là aussi, le racisme est venu s'immiscer en créant une inconfiance. Donc, les jeunes n'ont tellement pas confiance en l'État belge, donc les jeunes afrodescendants, qui sont souvent nés ici, n'ont tellement plus confiance en l'État belge par rapport à toutes les vexations et les violences symboliques, physiques, réelles qu'ils ont reçues, qu'ils n'osent pas s'engager et ils n'osent pas ouvrir des entreprises ici. Parce qu'ils se disent, en tant que noir, certainement je serai taxé, que je serai cassé, pardon. C'est bien dit. C'est un lapsus révélateur. Et donc, ils n'osent pas investir ici. Il y a des aides, hein, il y a des aides gouvernementales pour les... Mais ils n'ont pas confiance. Et donc, ils sont même capables de refuser les prêts qu'on peut leur donner avec leur idée géniale d'entreprise, parce qu'ils se disent j'ai pas confiance à la Belgique. Et ça, je trouve c'est dommage, parce que c'est des jeunes qui ont étudié, c'est des jeunes qui ont des potentialités, et c'est des jeunes créateurs d'emplois, puisqu'on les accuse souvent d'être sous le chômage, dans le CPS, etc. Et là, on est en face de jeunes créateurs d'emplois qui ont subi tellement de vexations qu'ils ne veulent même pas avoir la Belgique pour partenaire. C'est dingue de se sentir à ce point exclu de la famille, de la nation, que de ne pas pouvoir l'aider à créer de l'emploi. Oui, c'est dingue. C'est tout ça repose sur alors ce racisme, quoi, pour finir, ne pas accepter la différence, la couleur de peau. Enfin, donc c'est un peu comme si, oui, c'était marqué dans la chair comme ça, et on peut plus avancer, quoi. C'est exactement ça. Et on pense, je disais tout à l'heure, que le racisme commence par l'essentialisation, donc de dire ils sont tous comme ça, et la hiérarchisation, c'est de mettre un supérieur et l'autre en bas. Mais il faut savoir aussi que l'activation constante des préjugés peut créer du racisme. J'ai eu l'occasion de travailler pendant une quinzaine d'années sur la thématique qu'on a appelée des bandes urbaines. Alors, c'est une thématique assez particulière parce que là, ce sont des jeunes d'origine africaine, généralement nés ici ou socialisés en Belgique, c'est important de le dire, c'est pas des enfants soldats, pas du tout, et qui se font la guerre entre eux. Ça représente une grande minorité des jeunes, mais dans les médias mainstream, ça représente une grande minorité des sujets traités sur les afrodescendants. Et donc, on a grossi, on a pris une loupe, on a grossi ce trait-là, et ça a fait croire aux gens qu'on était entourés de jeunes enfants soldats prêts à taper dedans, à leur taper dessus, alors que ces jeunes s'attaquaient qu'entre eux, déjà. Et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs analyses là-dessus pour arriver à différentes pistes. Je ne dis pas conclusion, puisque l'analyse continue, mais à différentes pistes. Je me suis rendu compte que ces jeunes-là avaient parfois des discours aussi racistes que le plus raciste des Belges que je peux rencontrer dans ma vie. C'est-à-dire qu'en étant socialisés ici, ils ont intériorisé, ils ont pris pour eux le discours qu'il y avait sur eux, c'est-à-dire... Eh ben, de haine, quoi. De haine, ils l'ont renvoyé, ce qui est normal, c'est une défense. Hein. Mais je ne sais pas justement là s'ils le renvoient, parce que on leur a appris que le noir était quelqu'un de mauvais, d'incapable, de violent, qui avait des envies sexuelles insurmontables, voilà, qui avait des vices, qui n'était pas capable de travailler. On leur envoyait énormément de préjugés sur les Africains. Eux ont enregistré que c'était ça. Les jeunes, alors. Les jeunes dont je parle, et spécifiquement ceux que j'ai rencontrés qui sont dans des bandes urbaines, et je rappelle que c'est une minorité. Et ils ont intériorisé le fait que le noir est tout ce qu'on leur a dit. Okay. Donc, ils finissent par eux-mêmes participer, contribuer à dénigrer ces afrodescendants. C'est-à-dire que dans leur discours, ils vont dire « Oui, mais c'est vrai, nous les Noirs, on est paresseux, nous les Noirs, on est ceci, on est cela. » Donc on est arrivé à leur faire un lavage de cerveau parce qu'ils ont été socialisés ici. Et la différence avec des jeunes qui viennent un peu plus âgés d'Afrique, qui arrivent en Belgique à 18 ans par exemple, ben, ils n'ont pas ce discours-là et ils n'entrent pas dans les bandes urbaines. La majorité qui rentre là-dedans, c'est des jeunes d'ici. Donc, ces jeunes-là sont arrivés à un état d'auto-haine, puisqu'on leur dit que le noir est mauvais, mais ce noir, c'est qui ? C'est lui-même. Je reviens une seconde pour illustrer sur l'expérience avec les enfants. Donc, les enfants disent, je vous dis, j'ai commencé à 3 ans, hein, 3 à 9 ans. Les enfants disent, oui, c'est la poupée noire la plus laide. Donc, c'est des enfants métis et noirs, quoi. Et donc, ils disent, c'est la poupée brune, puisque les enfants ne disent pas noir. C'est nous qui leur apprenons à dire noir. C'est vrai qu'elle est brune. Hein. En plus, comme eux. C'est la poupée brune qui est méchante, etc., etc. Et la dernière question, vous savez, c'est quoi? Je leur demande, et toi, tu ressembles à quelle poupée? Et les enfants sont dépités. Ouais. Et là, je m'en veux, évidemment, parce que je ne m'attendais pas à un tel ressenti, qui disent, mais je ressemble à la poupée brune. Donc, ça met en lien ce discours chez les enfants et chez les jeunes un peu plus grands, mais tous socialisés ici, qui est de dire, tous les préjugés que j'ai appris en Belgique sur les Africains, je les ai tellement bien appris que je les ai fait miens, que je les propage aussi. Mais à un moment donné, je me rends compte que c'est moi, ce noir, qu'on dit méchant, ouais, qu'on dit... Évidemment, mais c'est assez horrible d'ailleurs. Mais Mireille, parce que oui... Je veux rajouter quelque chose, c'est qu'à ce moment-là, à partir du moment où ils se rendent compte que c'est comme ça, eh ben, ces jeunes commencent à se haïr, ils commencent à se détester, ils commencent à se dire qu'ils n'ont pas le droit d'être. Et dans ces histoires de bandes urbaines, il faut rappeler qu'on a eu une trentaine de décès, de jeunes morts, parce qu'ils se sont poignardés entre eux. Ici en Belgique ? Ici en Belgique, surtout à Bruxelles. C'est de dire tellement ils se haïssaient eux-mêmes qu'ils en sont passés à une phase d'automutilation communautaire. Donc en l'autre africain noir, il se voit lui-même, qu'il a fini par détester, qu'on a appris à détester, donc il le poignarde. Je vais brièvement, mais c'est cette piste-là, il y a d'autres pistes certainement, mais cette piste-là que j'étudie quand même depuis 15 ans, m'horrifie. Et quand je suis descendue plus bas et que j'ai vu que j'avais les mêmes résultats chez des enfants qui avaient intériorisé tous les préjugés et les stéréotypes racistes, je me dis, mais quelle société belge nous voulons? Parce que ce sont des enfants belges. Est-ce que nous voulons des jeunes belges qui se haïssent tellement qu'ils sont même plus capables d'aider leur pays en créant des emplois, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. Oui, de créer des emplois, mais surtout d'apprendre à bien s'aimer soi-même, quoi. C'est surtout ça aussi. Mais Mireille, le temps avance et j'imagine qu'on peut parler comme ça à l'infini, hein, mais avançons un petit peu. Mais écoute-moi bien, hein. La cause noire, enfin en tout cas, tu vois, c'est toute cette histoire de racisme, hein, avec son esclavagisme aussi qui est énorme et qu'on, quelque part, on en parle tellement peu. Je veux dire, c'est tellement passé loin, tu sais, c'est tellement passé tout ça. Au fond, l'histoire, elle est là et c'est encore intégré dans votre histoire aussi, cet esclavagisme qui est énorme, dont on parle très peu au bout du bout. Mais avançons. Je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait plutôt... Moi, j'aurais envie de regarder les choses comme ça, parce que c'est tellement négatif, c'est tellement noir, votre histoire, c'est tellement rempli de haine. Mais c'est même plus que ça, c'est carrément de la négation de votre être aussi. Hein. C'est genre, vous n'êtes rien, quoi. Hein. Enfin, on ne va pas remonter toute l'histoire, mais je trouve que ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est regarder tout ce qu'on peut mettre en place pour justement casser tous ces systèmes mis en place depuis plein d'années. Tu vois, je trouve que ça, c'est plutôt une vision alors positive. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gamins j'imagine, tu vois, l'histoire de la poupée blanche, la poupée noire, enfin, depuis la nuit des temps, je veux dire, on capte que le blanc, comme c'est lui qui domine, c'est lui le chef, ben, c'est clair qu'on a envie de changer sa peau pour lui ressembler, enfin, pas moi, personnellement, pas du tout, au contraire, moi, je trouve ça bien plus beau, la couleur dorée, moi, ou brune, ou, enfin, tu sais, vraiment, hein, je trouve que le blanc, il est, c'est un cadavre, mais c'est aussi, bon... Ce que je veux dire, c'est que, comme il ne reste plus beaucoup de temps, ce serait chouette de regarder les choses aussi, de plutôt comme un combat, quoi. Mets-toi en place les choses pour changer la donne, justement. Mm-hmm. Ça, j'avais envie de parler. Et de dire aussi que dans le futur, le blanc n'existera, la couleur blanche n'existera. Je veux dire, tu as dû peut-être faire des études aussi là-dessus, mais il y a des études qui montrent que d'ici X temps... Ben, on sera tellement des mélanges que la couleur blanche, elle n'existera plus ou beaucoup moins qu'aujourd'hui, quoi. Moi, je trouve que toutes les couleurs sont belles et que ça serait dommage qu'on ait des espèces, de couleurs qui soient menacées. Non. Je pense que notre diversité fait notre richesse, mais que nous devons apprendre à nous respecter. Et tu as raison de dire que toute cette couleur, toute cette histoire noire ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse sur ce qu'on doit faire. Tout ce que je sais, c'est ce que moi, je fais, c'est que j'apprends à ces jeunes non seulement à se défendre, mais à se reconstruire. Parce qu'il n'est pas possible d'aller de l'avant quand on est détruit. Et or, le constat que je fais et ce que la réalité me montre, c'est que ces jeunes sont détruits. Donc, on met en place des programmes de reconstruction identitaire qui vont servir aux jeunes après de force et de base pour se défendre, comme dans le cas de Nighty Nelson, qui, par notre action, a fini par comprendre qu'il ne devait pas se cacher, il ne devait pas avoir peur, mais il devait se défendre et qu'il a eu raison de nous suivre dans cette défense parce qu'il a obtenu gain de cause. Donc ça, c'est une chose. Oui, le gain de cause qui est d'aller porter plainte, parce qu'après, on ne connaît pas la suite. Oui, mais je veux dire que c'est victoire par victoire et cette victoire-là, dans sa vie à lui, va, je pense, être le prémisse de beaucoup d'autres, qu'il fallait au moins lui montrer une fois que c'était possible. Et ça, c'était important et c'était un début. Oui, on espère on espère, évidemment. Oui, bien sûr, on espère que ça ira plus loin. Mais si on ne lui montre pas une fois que c'est possible, il ne le saura pas que c'est possible. Et donc, je pense qu'il faut, un, les aider à se reconstruire. Et ça, évidemment, les parents sont importants, l'école est importante, et la reconstruction passe aussi par la compréhension de ce qui s'est passé. Parce que c'est tellement grave et tellement noir, comme on le dit, ce qui s'est passé néfaste, qu'on n'a pas envie d'en parler. Dans l'histoire, tu parles. Dans l'histoire, et on n'a pas envie d'en parler. Or, eux, pour se construire, ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé. C'est comme, on peut comparer à une agression, hein, qu'on a vécue, à un viol, à autre chose, c'est-à-dire qu'on a été blessé dans sa chair et on ne peut pas aller au-delà sans pouvoir avoir un temps de résilience et de se soigner et de rebondir. En même temps, ils doivent se reconstruire, en même temps, ils doivent apprendre à se défendre et en même temps, ils doivent apprendre à co-construire avec l'autre. Parce qu'ils le veuillent ou non, ils sont belges, ils sont européens, autant qu'ils sont africains maintenant. Et ils sont africains aussi. Donc, s'ils voyagent et qu'ils veulent aller en Afrique pour aussi co-construire là-bas, il faut avoir des individus forts. Donc, maintenant, il y a ces trois étapes très importantes parce que moi, j'ai toujours été contre le communautarisme. Surtout si ça sort de la première étape, qui est la première étape qui est de se reconstruire. Parce qu'il y a des moments où on a envie, par exemple, de se retrouver entre femmes pour parler de certaines choses. Alors, il faut comprendre que des gens blessés ont envie parfois de se retrouver entre eux pour parler de certaines choses, libérer la parole et formater ensemble un discours cohérent qu'on a envie de mettre politiquement sur la place publique. Et donc, hormis cette première étape qui est de reconstruction, auxquelles tout le monde peut participer, mais auxquelles doit avoir des moments de où on se retrouve en communauté. Hormis ce moment, les deux autres moments sont des moments qui doivent être non communautaires. Donc, c'est-à-dire se défendre. On peut avoir des alliés. D'ailleurs, la manifestation avec Nighty nous a montré que c'était toutes les couleurs, donc il y avait des alliés. Et puis, co-construire. On ne peut pas co-construire si on est tout seul. Voilà, il faut coopérer. Et donc, ces trois étapes-là, c'est du positif, c'est de l'avenir. Mais ça commence par bien connaître l'histoire et vider cet abcès du colonialisme belge, de l'esclavagisme, etc. Il faut savoir que l'un des premiers bateaux négriers, donc là, je parle de l'esclavage, était en Versoix. Donc, l'histoire de l'esclavage, ça nous concerne aussi. Et l'histoire de la démographie dans le futur qui fait que, paraît-il, on sera de plus en plus des mélanges de couleurs. Alors, je ne suis pas démographe et je me demande parfois ce genre d'information si ça ne sert pas plutôt à alerter les électeurs de droite pour qu'ils puissent paniquer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu dans une émission, une fois qui a commencé en intro, en disant « Eh bien, bientôt, il n'y aura plus de blondes ». Et donc, toute l'émission était là-dessus et on s'est rendu compte sur les réseaux sociaux, etc., que les gens ont paniqué et que justement, les gens se sont radicalisés parce qu'ils se sont sentis attaqués métier. Et donc, pour se défendre, ils ont été encore plus excluants et plus violents envers les autres. Moi, je pense que nous avons la possibilité de garantir une coexistence avec tout le monde. Et ça fait des siècles et des siècles qu'on a plusieurs couleurs. C'est pas maintenant qu'on va... non, écoutez... Je pense que c'est de l'anecdote pour des extrémistes autour d'un verre. Mais oui, mais enfin moi je reste. C'est parce que vous êtes peut-être encore. Non, moi je la pose vraiment cette question, c'est-à-dire que dans le futur, comme on est voilà comme les gens se mélangent, on voyage beaucoup plus aussi qu'avant. Je veux dire, quand on regarde dans l'histoire, il y a des couples mixtes. Enfin, voilà, je pense que cette notion de blancheur comme ça, elle petit à petit, elle disparaît. Et ça n'a rien à voir avec le fait de... Regardons les choses. Je vais vous répondre. Écoutez, déjà, la blancheur aujourd'hui, c'est les riches qui sont de plus en plus riches, c'est eux qui sont blancs, et les autres qui sont de plus en plus pauvres. Ça, c'est un élément. Donc, la blancheur aujourd'hui, la blancheur de demain, je pense que ce sera surtout ça. Ensuite, quand bien même on devait tous se mélanger, tous devenir métisses demain, j'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que d'après les scientifiques, les biologistes, etc., ce n'est pas du tout mon métier, mais ils sont apparemment quasi unanimes sur le fait que l'homme est né en Afrique, vu que c'était une période glaciaire sur tout le reste du monde, donc c'était pas possible de naître ailleurs au moment où on est né, si je peux parler de naissance. Donc du coup, on va peut-être revenir à des couleurs qu'on a déjà eues. Donc quand bien même ça devait arriver, nous sommes une seule et même race, donc ça n'a pas tellement d'importance. C'est pour ça que je n'arrive pas personnellement à m'intéresser avec beaucoup de sérieux à cette thématique. Moi ça m'intéresserait parce que si vous regardez les enfants... Les enfants qui fonctionnent avec vos petites poupées, là. Mm-hmm. On fonctionne quand même dans un monde de blanc. C'est lui qui domine. Mm. C'est lui... D'accord ? Mm-mm. Si cette couleur, elle change, mm-hmm. qui fait qu'elle est beaucoup plus variable, qu'elle est moins comme ça prononcée avec un... Mm-hmm. Je veux dire, remettons-nous à l'état d'enfant. Non, je veux dire, si on change toutes ces donnes, mm. on sera peut-être beaucoup plus à l'aise les uns avec les autres aussi, et de se dire qu'il faut arrêter que ce soit le blanc qui domine. Quoi. Moi, c'est de ça que je parle. Je comprends. C'est juste que si on devient tous métis demain, l'extrême droite aura moins d'arguments pour rejeter les Africains, les Arabes, etc., puisqu'ils seront métis eux aussi, si on devient tous métis demain, puisqu'on se mélange, et qu'on va changer de couleur, et qu'on va tous... voilà. Oui, mais du coup, le Front National n'existe plus. Ah, voilà. Bah, tant mieux. Et c'est pas une mauvaise chose. Mais maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est déjà dans une situation où il y a des Blancs, comme vous dites, qui sont dans une situation de pauvreté extrême, et on a des pétroliers milliardaires noirs. Donc, je pense que la blanchité, aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question de couleur. C'est devenu un espèce de concept dans lequel où on peut dire dominant, dominé. C'est-à-dire que les Blancs d'hier sont les riches d'aujourd'hui. C'est-à-dire que... ou les multinationales, ou ce que vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est tous les Blancs n'arrivent pas forcément... à avoir une ascendance sur leur propre vie. Et donc, quand ils sont dans ces situations-là et qu'on leur tient un discours un peu de droite, et ben directement, ils tombent dans le panneau. On dit que les Blancs ont le pouvoir, etc., etc. Moi, je connais pas mal de Noirs qui ont pas mal de pouvoir dans leur réseau aussi. Mais oui, mais évidemment, mais regardons les choses. On vient d'une histoire... Oui. Et c'est pour ça que je reprends toujours cette anecdote avec vos petits-enfants et les poupées. C'est qu'eux-mêmes, petits, disent le noir, la couleur noire, c'est pas bien. En gros, caricature, la couleur blanche, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne, il voit bien que le blanc... on vient de là, on vient de cette histoire-là. Et moi, ce que je suis occupée à dire, c'est que dans le futur, quand on va regarder dans le futur, eh bien, ça va être beaucoup plus, justement, avec ce que vous êtes occupée à dire, bah oui, ça va être beaucoup plus nuancé, tout ça, et donc il y aura moins cette espèce de barrière de domination entre les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre, pour caricaturer, quoi. Il y aura, ça sera peut-être pas les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre, mais ça sera toujours les humains d'un côté et les humains de l'autre. Et ça, ça n'a pas changé. Non, là, je n'ai pas compris. Les humains d'un côté et... Les humains de l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le racisme, c'est des humains qui sont racistes contre d'autres humains. Et ce n'est pas tellement une question... Si on va au-dessus de la notion de racisme, on arrive à l'injustice, à l'inégalité, l'injustice sociale, etc. Classe sociale. Pas encore même les classes sociales, l'injustice seulement. L'injustice dans son acception pleine, dans tous les sens du terme. Et il n'y a pas que dans les classes sociales, dans les différences de classes sociales, qu'il y a de l'injustice. Même dans Un exemple concret, un parent peut être injuste envers un enfant et pas envers un autre. Vous voyez ? Donc là, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'argent, et voilà. Donc, c'est-à-dire que le racisme est une forme d'injustice parmi tant d'autres. Ce n'est qu'une forme, une variante, en fait. Et donc, si cette variante-là venait à disparaître, j'en serais très heureuse, on ferait une grande nouba, mais il ne faut pas oublier que les inégalités et les injustices autres resteront. Oui, elles existeront encore. Et l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire que d'autres injustices qu'il inventera, qui ont déjà commencé, continueront, et ça sera toujours la même chose, c'est des humains qui vont haïr des autres humains. Même s'ils ont la même couleur. Ouais, mais je trouve que c'est déjà plus intéressant. Et là, la dynamique, pour moi, c'est dommage parce que la dynamique n'a pas changé. C'est-à-dire que l'humain continue à se faire du mal à lui-même, qu'il soit noir, blanc ou qu'il soit de la même couleur. Et c'est ça qu'il y a au-dessus du racisme, en fait. Mais bon. Moi, ce que j'aime bien, ça va, vous suivez la conversation, on se suit. Ça part toujours. Mais s'il n'y a plus de différence de couleur, mm-hmm. je suis d'accord avec vous, il y aura encore des différences sur... On va trouver n'importe quoi pour trouver des différences. Voilà, hein. Oui, c'est ça. Mais peut-être, au moins, il n'y aura déjà plus cette idée de simplement, tu sais, sans les mots, « Ah, toi, t'es blanc, alors toi, t'as dominé dans ton histoire, t'es plus forte. » Moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant dans l'évolution du monde, dans le futur, de se dire que, tiens, c'est plus si dessiné que ça, de mettre la couleur blanche et la couleur noire de l'autre côté. Quoi, oui. Ouais. Mais je vais vous parler aussi du féminisme. Ouais. C'est plus si dessiné que ça, de mettre les femmes d'un côté et les noires de l'autre, même si on sait que beaucoup d'inégalités subsistent. Les femmes ou les hommes ? Parce que tu as dit les femmes et les noirs. Les femmes, pardon, et les hommes d'un côté, excuse-moi. Et c'est aussi, voilà, même si on sait que beaucoup d'inégalités subsistent sur les femmes, notamment sur la question des salaires, mais la dichotomie femme d'un côté, homme de l'autre, voilà, on essaye aussi de faire des barrières poreuses, le féminisme essaye de faire ça depuis des années. Donc, mais que ce soit les inégalités hommes-femmes, les inégalités sur base de la couleur de peau, sur base d'autres domaines, ça reste des inégalités, des injustices d'hommes par rapport à des hommes, des femmes par rapport à des femmes, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais par exemple, enfin, là, oui, j'ai perdu le fil avec les hommes et les femmes. Qu'est-ce que tu veux dire précisément ? Parce que, par exemple, en politique, oui, elles ont peut-être un salaire qui est inférieur, mais elles sont moins représentées en politique. Quand il s'agit de s'occuper des enfants, c'est quand même elles qui s'en occupent le plus. Enfin, tu vois, il y a des inégalités et c'est intéressant parce que, du coup, c'est les femmes de couleur, les femmes blanches, les femmes jaunes, les femmes vertes, peuvent se mettre tout ensemble pour gagner ces choses. Est-ce que tu comprends ? C'est intéressant. Oui, et c'est pour ça que je dis, tous ceux qui subissent l'injustice, peu importe de leur couleur, doivent se mettre ensemble. Peu importe que ce soit par rapport au racisme, par rapport à autre chose. C'est pour ça que je parlais de la notion de communauté tout à l'heure, qu'il faut faire attention avec ça, il ne faut pas trop s'enfermer dedans. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que le racisme est une égalité parmi tant d'autres. Le racisme est une égalité. Une inégalité. Ah, le racisme est une inégalité parmi tant d'autres, évidemment. C'est ce que je veux dire. Et que le racisme, c'est des êtres humains qui rejettent des êtres humains. Parce qu'ils les pensent inférieurs rien qu'à la couleur de leur peau. C'est ça aussi, oui, hein. Oui. Rien qu'à leur couleur de leur peau. Mais je veux dire aussi qu'il y a aussi des êtres humains qui rejettent d'autres êtres humains parce qu'ils les pensent inférieurs, parce qu'ils n'ont pas de phallus. Ils ont des seins. Donc, voilà, des êtres humains qui rejettent d'autres êtres humains parce qu'ils ne sont pas comme eux. C'est là qu'on est, en fait. Et si on prend les inégalités sociales, tout se résume à ça, quand même. On rejette l'autre qui est un être humain comme moi. Parce que on va dire il est arabe, parce qu'on va dire il est noir, parce qu'on va dire c'est une femme, parce qu'il a les yeux bleus, parce qu'il est rome, parce qu'il a les cheveux longs. Mais c'est un être humain qui rejette un autre être humain. Tout ça se passe dans la même race. Moi, je suis d'accord. Jusque-là, on suit bien. Simplement, le blanc, il a toujours dominé. Toujours. Et c'est ça qu'il faut... Je vais vous dire en règle générale, allez, en règle générale, pour qu'on se mette d'accord. Attends, je finis vite ce que je dis. C'est que le blanc, il est en règle générale dominé. Mm-hmm. Et donc, même le petit enfant, il a envie de ressembler à ce blanc parce qu'on le voit partout, parce que c'est lui que... Enfin, tu vois, parce que c'est lui qui domine, quoi. Donc, voilà. Et c'est ça qu'il faut essayer de casser aussi. Je suis d'accord, mais il faut voir aussi l'histoire du monde. Hein, y a des moments où le blanc n'a pas dominé. Il y a des moments où le monde musulman a eu des esclaves blancs. Il y a des moments où c'est le monde musulman qui a commencé à avoir des esclaves noirs. Ça a duré beaucoup plus longtemps, ça a duré 13 siècles, alors qu'en Europe, ça a duré 4 siècles. Donc, la domination, c'est par rapport à des moments donnés. Si ces enfants avaient vécu à une autre époque, peut-être qu'ils verraient les choses autrement. Mais oui, c'est juste pour la notion de toujours. Ils n'ont pas toujours dominé. C'est aussi intéressant de voir ça parce qu'on se dit que ça peut changer, que voilà, on peut varier les plaisirs. Ça fait peur aussi parce que du coup, il y aurait une revanche, tu vois. Ben justement, vu qu'on n'est pas là-dedans, ça on n'en sait rien. On ne sait pas chacun. Quand tu dis on n'est pas là-dedans. Tu fais comme si toi, tu représentais... Je représente mon association. Et en tout cas, mon association, elle n'est pas là-dedans. Et on a la chance de pouvoir être un peu leader d'opinion et d'entraîner quelques autres. Et je sais que d'autres amis associatifs ne sont pas là-dedans non plus. Et on est beaucoup plus nombreux parmi les afro-descendants à ne pas être dans une logique, à ne même pas penser à une logique voilà, je cherche même le mot vengeance. On n'est absolument pas là-dedans. Ce qu'on cherche, c'est la reconnaissance de notre humanité. Mm. C'est tout. Ce que j'ai envie de dire, c'est une phrase, une idée que j'ai dite tout à l'heure, c'est que le racisme, c'est une injustice d'être humain contre d'autres êtres humains. Et c'est ce genre d'injustice-là devrait pousser tous ceux qui subissent les inégalités à s'unir au-delà des couleurs de peau, au-delà de beaucoup de conceptions, pour mettre fin à ces injustices. Et ainsi, on sort des catégorisations qui nous font plus de mal que de bien.